L'agence de presse TASS, la radio Spoutnik, le journal Zabutra, la revue d'internet Lemchichi, le homepage d'internet Patrioti Moskva de Russie, la télévision Télésour du Venezuela, l'agence de presse Chine Nouvelle et les agences de presse Gyodo et Zizi du Japon ont rapporté les 2 et 3 juin la réponse à la question de l'agence télégraphique centrale de Corée du porte-parole du ministère coréen des Affaires étrangères au sujet du lancement d'un satellite japonais au but militaire visant la République populaire démocratique de Corée.